Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme recette de cuisine? Alors, vous avez dit les feuilles de vigne, les briques. Oui, blinchi, café ou quelque chose. Oui. D'accord. Et alors, ce gâteau, alors, ça s'appelle comment? Negri, c'est. Non, attends, comment on explique? Nègre, c'est noir. On ne dit pas ici nègre. Ouais. Noir. Pour chocolat? Sourire de nègre. Sourire, ah, voilà. D'accord. Noir et blanc, quand un nègre il ouvre sa bouche, ça fait. D'accord. Noir et blanc, ça fait le sourire du nègre. En France, on a les têtes de nègre. Ça existe et ça s'appelle comme ça. Ah, voilà, je sais. Ouais, je sais ça. Ça, c'est d'autres. Rire de nègre. D'accord. Les œufs, jaunes à part, blanches à part, mmh. Et je prends quelques œufs avec les sucres, je mélange bien, il faut qu'ils montent un peu avec les mixés, et je mets une levure, 200 g de farine. Et ah, ça va. 200 g du lait. Mmh. Et 2 litres que, non, 200 g. Oui. Et du cacao, 4 cuillères de. Une grande cuillère, mmh. Voilà, de cacao. Mmh. Et c'est bon, je mélange tout et je mets les fours. Après, quand presque prête, je regarde, je sais à peu près comme ça, quand tu regardes. Tu fais comme ça, si ça bouge pas, si ça veut dire que ça sera prêt à peu près. Tu enlèves et les températures, normalement, c'est 160 pour les pâtes. Mais pour les blanches, je fais température 100. Sinon, ça va commencer et voilà, je fais ça et je laisse ouverte un peu four. Vous savez, je mets une torche ou quelque chose qu'il faut mettre un peu comme ça, ouverte. Et j'enlève, je mets les blanches sur les chocolats, voilà, sur les pâtes. Et je mets encore les fours, à peu près peut-être une heure, à peu près je mets et je laisse comme ça. Et quand tu touches, ça commence de couleur un peu rose. Quand commence un peu rose, tu vois, ça sera prêt. Et tu enlèves, tu laisses, il faut être très froide. Et après, je prépare les chocolats. Les chocolats, j'ai pris deux ou trois cuillères de cacao, sucre j'ai pris et du lait, je mélange bien, après je mets pour bouillir et après quand c'est froid, je mets un peu de 20 g à peu près du beurre. Voilà, et je mets sur les gâteaux, voilà, ça sera prêt et je mets dans le frigo, il faut être les cacao, c'est mon fils aîné. Ah, mais comment tu. D'accord, donc voilà. Ça c'était la recette du sourire de nègre. Voilà. C'est-à-dire en arménien, comment on se dit? Négri-je-pite. Négri-je-pite. Et vous faites pour des occasions particulières ce gâteau ou c'est un dessert comme ça? Avant, je fais plus souvent. Les enfants ils aiment des gâteaux arméniens. Mais aujourd'hui, je savais qui vous venez. Aujourd'hui, je fais pour vous, pour faire un plaisir quand même. Mais je fais quand un anniversaire, quand une occasion, voilà, je fais. Mais en plus, j'aime faire. En plus, c'est trop long, mais moi, j'adore les cuisiner. Gâteau, tout, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup. Tout le temps. Ok.